Le feu tinte dans les cloches. Vous écoutez. Douce est la parole de l'eau. La clé des nuits légères enchaînées au cœur des filles. Vous écoutez France Culture. Vous écoutez France Culture. Vivez avec France Culture. L'éloge du savoir. Éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France. Nous entendrons ce matin le dernier cours que Mireille Delmas-Marty, qui occupe la chaire Études juridiques comparatives et internationalisation du droit au Collège de France, a consacré cette année aux forces imaginantes du droit, le pluralisme ordonné. Cette toute dernière leçon, en forme de conclusion, pose la question de la transformation du nouvel ordre qui se met en place en pluralisme ordonné et les limites de cette transformation. Car si le droit invente et ouvre parfois des portes au peuple, encore faut-il que l'application en soit possible. Peut-être que face au chaos actuel, quelques initiatives allant dans le sens d'un pluralisme ordonné pourront être expérimentées. C'est à l'Europe, comme laboratoire pour le monde, que Mireille Delmas-Marty pense le plus souvent quand elle déploie ses thèses. C'est du moins sur l'Europe que ce dernier cours s'achève. Bien évidemment, la réponse est et restera avant tout politique. L'omniprésence dans le champ juridique des pratiques hégémoniques qui imposent par exemple des transplantations juridiques très peu pluralistes sur un modèle unique et dominant, ou encore la montée en puissance de pratiques dites ultralibérales, c'est-à-dire par juxtaposition de systèmes autonomes qui sont supposés s'autoréguler, tout cela ne semble pas réussir à résoudre l'énigme de l'un et du multiple, cette fameuse énigme que j'ai posée en introduction. En effet, la troisième hypothèse, celle que j'avais lancée, d'un pluralisme ordonné, appellerait sans doute dans l'ordre juridique une transformation au sens littéral du terme, c'est-à-dire passer d'une forme à une autre, passer d'une forme simple à une forme complexe ou même, comme on va le voir, peut-être hyper complexe dans nos représentations de l'ordre juridique. C'est un peu ce cheminement que je voudrais faire avec vous en guise de conclusion. Alors d'abord des mouvements désordonnés que j'ai appelés tels des nuages. C'est une métaphore en effet qui me semble très adaptée à la construction européenne qui se forme et se déforme à tout moment sous nos yeux depuis une cinquantaine d'années maintenant. Qui pourrait dessiner les contours autres que géographiques et encore du dispositif européen qui est né de la superposition des traités, des communautés et de l'Union revus et corrigés par le traité de Nice? Au fond, chacun de nous connaît tel ou tel fragment, peu selon son expérience personnelle, selon ses pôles d'intérêt, mais le dessin d'ensemble, pour ne pas parler du dessin au sens de projet, est illisible et insaisissable. C'est pourquoi d'ailleurs il me paraît un peu absurde de prétendre que le traité constitutionnel soit gravé dans le marbre. L'Europe n'est pas gravée dans le marbre, c'est tout le contraire. C'est vrai que ce traité a un mérite qui est d'unifier le cadre juridique, mais il ne supprime, comme on a eu l'occasion de le voir, ni la géométrie variable, ni les vitesses multiples. Et d'ailleurs, il affirme dès le préambule une devise un peu contradictoire, unie dans la diversité. Je crois que ce qu'on pourrait reprocher aux rédacteurs du traité, c'est pas d'avoir gravé quelque chose dans le marbre, c'est au contraire d'avoir trop vite renoncé au profit d'un discours peut-être un peu démagogique sur la simplification à tout prix, d'avoir un peu négligé cette pédagogie de la complexité que l'on pouvait attendre d'eux. Car la complexité est sans doute inhérente à toute tentative de conjuguer l'un et le multiple. Quand on choisit comme devise « unis dans la diversité », ça passe par la complexité nécessairement. Et il me semble que le traité devrait donner de façon plus explicite les moyens d'ordonner ces ensembles juridiques instables, volatiles et en un mot nuageux. Car au fond, c'est peut-être une chance aussi d'être ici en Europe à ce moment précis, car malgré ces dysfonctionnements, mais peut-être grâce à ces dysfonctionnements, l'Europe constitue un extraordinaire laboratoire de l'internationalisation du droit. L'Europe illustre, parfois jusqu'à la caricature, les désordres provoqués par les interactions dans l'ordre juridique, les changements de niveau dans l'espace et les changements de vitesse dans le temps. Alors, je vais faire une sorte de rapide récapitulatif de ce que nous avons vu à cet égard sur ces mouvements plus désordonnés qu'ordonnés. Le mouvement d'intégration des normes, intégration de normes venues du dehors, commence, semble-t-il, par les interactions horizontales, c'est-à-dire ce que nous avons vu au début du cours, les entrecroisements sans hiérarchie. C'est un phénomène qui n'est pas nouveau, mais il est sans doute appelé à se développer, d'abord grâce aux nouvelles technologies qui facilitent l'accès aux données juridiques. C'est plus facile à un juge d'un pays de savoir, de connaître la jurisprudence d'un autre pays qu'auparavant. Et puis, le phénomène est aussi appelé à se renouveler en incorporant, par ces interactions horizontales, non seulement les droits étrangers, mais aussi les ensembles internationaux. Je me disais, en écoutant les collègues astrophysiciens parler entre eux, qu'on pourrait considérer ces entrecroisements comme les fluctuations primordiales par lesquelles la matière juridique commence à s'étendre hors du champ national. Si on veut pousser l'analogie, on dirait dans un espace mondial qui est fait de trous noirs pour l'essentiel, dont on ignore la composition et les propriétés en termes d'énergie ou d'inertie. Mais il ne faut peut-être pas pousser trop loin la comparaison. J'avais rêvé à une époque d'écrire un petit traité de cosmogénèse juridique en disant qu'il faudra commencer par les interactions horizontales, les entrecroisements, car ce sont eux sans doute qui contribuent à la transformation des amas de normes en espace au sens structurel que j'ai indiqué. Je crois que c'est une comparaison qui est plus amusante que pertinente, parce que nous ne sommes évidemment pas capables de remonter dans le temps, comme le font les astrophysiciens, jusqu'à un Big Bang initial. Nous nous limitons, nous pauvres juristes, à observer tant bien que mal les interactions horizontales actuelles et parfois leur verticalisation. Alors vous vous souvenez comment... J'avais donné l'exemple, comment la coopération internationale, c'est-à-dire horizontale entre États ou entre acteurs étatiques à l'échelle européenne, les législateurs, les émetteurs de normes, les juges, les récepteurs de normes, semble conduire inévitablement à une certaine verticalisation. J'avais cité l'exemple de la reconnaissance mutuelle qui amène à un rapprochement des droits nationaux autour de normes communes supranationales. Et j'avais donné l'exemple du mandat d'arrêt européen qui, sous prétexte de renforcer la coopération horizontale, amène à définir des listes communes d'infractions, donc amène à une première harmonisation, à une première verticalisation. Mais nous avons trouvé d'autres exemples d'interactions horizontales, et peut-être que leur terrain préféré ne se situe pas entre États, mais entre émetteurs et récepteurs non étatiques, par exemple les entreprises transnationales ou les organisations internationales ou les juges, mais pas les juges nationaux seulement, les juges supranationaux. Alors nous avons de nombreux exemples à l'esprit, interrégionaux, entre la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de justice des communautés, ou entre la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Et au niveau mondial, nous avons vu aussi que l'OMC n'était pas isolée et que l'OMC commencer à intégrer, par exemple, certaines règles du droit de l'environnement, et on débat à l'heure actuelle, dans le cadre des réformes possibles, sur une intégration renforcée des droits fondamentaux. On pourrait à terme imaginer des échanges entre l'OMC et le Comité des droits de l'homme de l'ONU, ou entre l'OMC et l'OIT. Et puis, ce que nous avons vu de plus curieux encore, ce sont des interactions entre des niveaux normatifs différents, mais sans hiérarchie. Par exemple, ce que j'avais appelé le dialogue des juges sur la peine de mort, nous avons vu se multiplier les échanges entre les juridictions nationales, les cours suprêmes. J'avais cité, je crois, la Cour suprême du Canada et celle d'Afrique du Sud, et puis la Cour suprême des États-Unis, citant des cours régionales européennes ou interaméricaines, et citant elles-mêmes des juridictions mondiales comme la Cour internationale de justice ou des organes comme le Comité des Pâques de l'ONU. Alors là, les niveaux sont différents, mais l'interaction reste horizontale dans ce sens qu'il n'y a pas d'hierarchie d'une juridiction à l'autre. Et nous avions observé un peu ce même phénomène en matière pénale, à travers des références croisées entre les cours nationales. Leur rôle est important. Rappelez-vous la Chambre des Lords dans l'affaire Pinochet, l'affaire jugée dans un pays qui a un impact considérable sur le plan international. Mais on cite aussi dans la sphère pénale internationale les cours régionales des droits de l'homme et les tribunaux pénaux internationaux, bien sûr. Le problème, c'est que, en l'absence de hiérarchie, le mouvement d'interaction horizontale reste inachevé. En même temps, on sait très bien qu'une verticalisation trop rapide et trop rigide risque de conduire au rejet, donc à la désintégration. Autrement dit, on a le sentiment que ce jeu horizontal, ces jeux d'entrecroisement ne suffit pas à l'intégration normative. Au mieux, je dirais qu'il permet peut-être une ouverture qui peut faciliter, mais sans le garantir, le passage d'un niveau à l'autre. Alors, si je réfléchis maintenant au changement de niveau, c'est-à-dire au mouvement d'expansion et de repli, on retrouve le même désordre d'une certaine manière. Car bien sûr, la notion d'internationalisation implique un changement du niveau national au niveau inter- ou supranational. Mais ce mouvement d'expansion est très désordonné, car on l'a constaté, le débat actuel en Europe en témoigne encore, une expansion très maturée, une expansion mal préparée, une expansion mal maîtrisée peut provoquer un mouvement inverse de repli. Autrement dit, si l'internationalisation au changement de niveau suppose d'abord une autonomisation institutionnelle et normative par rapport aux États membres, elle appelle aussi, et on l'a vu dans le chapitre sur ces questions, une neutralisation des rapports de force, un renforcement des facteurs de cohésion qui seuls rendraient possible des itinéraires de convergence dont le tracé doit être discuté, mais si possible discuté en temps utile. Et là, j'ouvre une petite parenthèse sur le débat actuel. Il me semble que l'un des malentendus suscités par le traité constitutionnel européen tient au fait que les principales bifurcations ont été prises avant la consultation, notamment par les élargissements successifs. Elles ont été notamment imposées par le traité de Nice, dont il ne faut pas oublier qu'avec les traités antérieurs, ils constituent un cadre, peut-être pas constitutionnel, mais institutionnel, aussi difficile à modifier que le futur traité dit constitutionnel. Alors, ça explique peut-être le malaise. Même si on peut penser que sur certains points, le traité constitutionnel améliore le cadre, sur l'organisation des pouvoirs dans la première partie ou sur certaines des dispositions d'intégration des traités antérieurs dans la troisième partie, le problème, me semble-t-il, et que la formule du référendum ne permet qu'une réponse binaire et paraît donc inadaptée à la complexité. On est très loin du binaire, la complexité des questions soulevées. Il me semble qu'en réalité, c'est peut-être dans le traité, c'est peut-être la deuxième partie, la Charte des droits fondamentaux, qui pourrait faire utilement l'objet d'une réponse binaire, pas accord ou rejet en bloc. Parce que cette insertion dans la charte est au fond une question assez simple, mais en même temps c'est une question majeure. Je crois que l'enjeu de la charte, c'est moins de définir le contenu de chacun de ces droits qui y sont énumérés, parce que la portée de chacun des droits va dépendre en pratique beaucoup de l'usage qui en sera fait. Mais l'intérêt majeur, c'est de marquer au niveau régional l'apparition d'un véritable ordre juridique avec une cohérence d'ensemble. C'est la première fois qu'on inscrit dans un traité international ce type de cohérence, c'est-à-dire une cohérence qui permet de relier les deux pôles, le marché et les droits de l'homme. On a vu que dans la charte, les droits de l'homme sont réunifiés autour de 6 chapitres. Et surtout, en insérant la charte dans l'ensemble, on donne une cohérence. C'est-à-dire, j'aurais envie de traduire dans un langage un peu plus abstrait l'analyse en disant, le traité, au lieu de dessiner un simple espace normatif comme les traités précédents, construit autour d'un marché sans frontières un ordre juridique. Un ordre qui n'est pas totalement autonome, puisqu'il se surajouterait aux ordres nationaux, qui ne sont pas du tout destinés à disparaître, mais un ordre en ce sens qu'il y aurait une cohérence d'ensemble. Car jusque-là, il me semble que malgré le mot qu'on utilise d'ordre communautaire, le droit des communautés et de l'Union n'a pas de cohérence propre. Il y a une fragmentation qui est d'ailleurs soulignée par les trois piliers créés par le traité de Maastricht. En revanche, l'adoption de la charte consacrerait en droit ce que nous avons vu, en fait, comme une sorte de bipolarité marché-droit de l'homme qui s'est instituée par le jeu des références croisées des deux cours européennes. Et le dispositif serait renforcé par l'adhésion programmée de l'Union européenne à la Convention des droits de l'homme. Alors c'est ça qui me paraît une première dans l'ordre international, dans l'espace, disons, international, ce serait l'avènement d'un ordre juridique bipolaire qui n'existe pas à l'heure actuelle dans la sphère internationale, qui existe seulement dans la sphère interne. Cela dit, au niveau mondial, on est très loin du compte. D'autant que le mouvement d'expansion n'implique peut-être pas seulement un changement d'échelle, mais comme l'a fait remarquer à un interlocuteur dans un petit séminaire où je présentais ces questions, un interlocuteur qui n'était pas un juriste, qui était un spécialiste des systèmes complexes. Il m'a dit, mais au fond, quand vous parlez d'une expansion à l'échelle mondiale, il y a un changement de nature parce que vous allez vers une inclusion sans exclusion, c'est-à-dire vers une organisation normative sans extérieur, et notamment dans le domaine politique sans ennemis extérieurs, en tout cas ennemis identifiables à des humains, à moins alors de nous considérer nous-mêmes comme notre propre ennemi, de même que les catastrophes naturelles ou non que nous pouvons contribuer à déclencher. Donc il y a une sorte de question ontologique. Mais du seul point de vue juridique, je dirais que de toute façon, une telle expansion implique une structuration spécifique qui est encore plus complexe qu'à l'échelle régionale, puisqu'en réalité, il faut une structure par rapport aux organisations nationales, mais aussi régionales et interrégionales, et il faut une organisation par rapport aux espaces normatifs, dont on a vu qu'ils étaient fragmentés à partir d'objets très spécifiques. C'est d'ailleurs pour ça qu'on commence à faire appel à des catégories nouvelles, transversales, comme les normes impératives du jus cogens, ou bien ce concept qui nous vient de l'économie, mais qui serait bien utile en droit, des biens collectifs mondiaux. Pourquoi ce serait utile? Parce que ça introduirait l'idée d'un intérêt commun à l'échelle mondiale. Mais à mesure que l'expansion, c'est-à-dire l'élargissement, accompagne l'intégration, c'est-à-dire l'approfondissement, au niveau mondial comme au niveau régional, on a vu une troisième difficulté, c'est que les rythmes se diversifient et que les changements de vitesse, pour reprendre l'expression que j'ai utilisée, créent encore d'autres désordres. Alors, quand on se situe dans un espace unique, comme l'espace Schengen ou l'espace Kyoto ou l'espace OMC, la différenciation des vitesses, ce que j'ai appelé polychronie, peut apparaître comme quelque chose de positif, comme un générateur de diversité garantissant au fond le pluralisme en même temps qu'un ordonnancement. Oui, mais à certaines conditions. Encore faut-il réussir à encadrer la mise en œuvre de cet espace à plusieurs vitesses par des critères objectifs, la fameuse clause d'habilitation dont j'ai parlé la semaine dernière, et puis déterminer les effets, soit à l'avance, c'est le système de Kyoto, d'un échéancier, soit de façon progressive, par une sorte d'effet d'engrenage, un entraînement qui impose une progression constante, c'est un peu le mécanisme européen général, ou bien alors les effets a posteriori, ce qu'on appelle l'effet de cliquet, marquant l'irréversibilité par intégration. C'est l'exemple du dispositif Schengen intégré à l'acquis communautaire. À défaut d'encadrement juridique, eh bien, l'espace à plusieurs vitesses, conçu comme une avant-garde que chacun peut rejoindre librement par une clause opting-in, risque de devenir, et c'était un peu le thème la semaine dernière, quelque chose de très différent, c'est-à-dire un espace à la carte, dont chacun peut, à son gré, sortir, s'exempter de certaines obligations, la fameuse clause opting out. C'est-à-dire qu'au lieu d'anticiper sur le mouvement d'intégration, la différenciation dans le temps peut favoriser l'inverse, le freinage, voire la désintégration. Et quand on passe d'un ensemble à l'autre, le risque est encore accru, ce sont les phénomènes d'asynchronie, comme je les avais appelés, en vous donnant l'exemple du commerce et des droits de l'homme, et en montrant comment l'équilibrage progressif en Europe n'a pas son équivalent à l'échelle mondiale, où c'est l'inverse, il y a un écart croissant. Alors nous avions vu que la solution, ça passerait peut-être par de nouvelles articulations entre les pouvoirs et les niveaux, mais tout cela reste à faire, reste à bâtir. Et pour que de nouvelles articulations soient possibles, entre les pouvoirs notamment, il faudrait des dispositifs juridiques permettant une sorte d'équilibrage, permettant par équilibrage et rééquilibrage, d'ordonner en quelque sorte nos fameux nuages. Alors j'emploie ce terme des dispositifs d'équilibrage. En fait, j'ai choisi équilibrage plutôt que bricolage, qui est un terme qui veut dire un petit peu la même chose que j'avais utilisé à plusieurs reprises pour décrire les oscillations dans l'exercice du pouvoir. J'avais employé à propos de la gouvernance pour parler des oscillations dans l'exercice du pouvoir exécutif à l'échelle mondiale. C'est aussi l'idée du flou en ce qui concerne le pouvoir législatif ou l'idée du mou et du doux en ce qui concerne le judiciaire. Mais restons neutres et parlons simplement d'équilibrage. L'idée clé, en fait, derrière ce terme, c'est l'idée d'oscillation. Et vous vous en souvenez peut-être, j'avais cité un passage de Roland Barthes dans son cours au Collège de France sur le neutre, où il décrit le geste du joueur de billard, apparemment hésitant, et en réalité typiquement adroit, dit-il. C'est ça l'oscillation, pour mieux s'ajuster au réel. Il me semble que c'est cela qui illustre la recherche d'une nouvelle conception des dispositifs juridiques, une conception souple pour adapter les processus d'intégration normative à cette variabilité dans l'espace, géométrie variable et dans le temps, plusieurs vitesses, cette variabilité qui s'accroît à mesure que le droit s'internationalise. Alors l'adaptation suppose en réalité plusieurs fonctions. D'abord une fonction de régulation, ce que j'appelle ajustement et réajustement, mais aussi une fonction de réglage, parce que la régulation risque d'être trop souple pour être vraiment juridique. Donc une fonction de réglage avec des techniques comme la marge nationale ou les indicateurs de variabilité. Et puis, en troisième lieu, une fonction d'évaluation ou de contrôle pour éviter un usage arbitraire de cette souplesse. Alors c'est un peu cela que j'appelle les dispositifs d'équilibrage. Et d'abord, pour commencer, les concepts régulateurs. L'idée d'ajustement et de réajustement. Au fond, le droit positif a dû inventer de nouveaux dispositifs pour laisser du jeu entre le niveau national et le niveau international, qu'il soit régional ou mondial. Du mou, si vous préférez, du mou ou du jeu, dans la norme internationale pour faciliter son ajustement au niveau national. C'est pourquoi on se méfie, et on le revoit là encore dans le débat à l'heure actuelle en Europe, on se méfie du principe hiérarchique de la primauté, parce que la primauté du droit international ne laisse pas beaucoup de jeu. La primauté, elle heurte de front la souveraineté nationale. Ce qui fait qu'elle est inscrite en droit communautaire. Et on la retrouve dans le traité, mais sous une forme très discrète, sans être qualifiée de principe. Vous verrez, c'est l'article 1.6, la Constitution et le droit adopté par les institutions de l'Union priment le droit des États. Et il y a une déclaration conjointe sur cet article 1.6 qui précise, un peu comme pour s'excuser, que cet article est le reflet de la jurisprudence existante. Il n'ajoute rien, c'est la jurisprudence de la Cour de justice et du tribunal. En revanche, ce qui est inscrit bien en évidence en tête du traité, ce sont les concepts régulateurs. Sous le nom de principes fondamentaux, vous avez deux principes corrélés, qui sont le principe de subsidiarité est le principe de proportionnalité. La subsidiarité, alors pour une fois, elle est bien définie à mon avis. La subsidiarité, c'est l'article 1.11. L'Union intervient seulement si et dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent être atteints de façon suffisante par les États membres. Elle est donc limitée au domaine des compétences partagées et couplée avec la proportionnalité. Le contenu et la forme de l'action de l'Union n'excèdent pas, ne doit pas excéder, ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de la Constitution. Or, cette notion, ce concept de subsidiarité, plutôt, ne se limite pas à répartir les compétences de façon purement formelle. Il s'agit, et je reprends là l'expression qui avait été lancée par Denis Simon dans son traité sur le système juridique communautaire, il s'agit d'un concept régulateur, c'est-à-dire d'un concept conçu à la fois comme un justificatif de l'action communautaire et une limite à celle-ci. Autrement dit, on pourrait présenter les choses ainsi, la subsidiarité fonctionne un peu comme un variateur. Elle porte vers plus d'intégration, davantage d'intégration, si les États membres n'atteignent pas tout seuls les objectifs de l'Union. Mais elle fonctionne aussi dans le sens de moins d'intégration, dans le cas inverse. Donc tout cela implique une vérification permanente des actions envisagées par un acte législatif européen au regard des objectifs. Et la fonction serait donc plus politique que juridique. Mais le traité introduit un contrôle maintenant qui pourrait être formé, un contrôle du respect de la subsidiarité qui pourrait être formé auprès de la Cour de justice. Donc on va introduire du juridique, un contrôle juridictionnel sur ce concept à l'origine plutôt politique de la subsidiarité. Ce qui fait qu'il faudra sans doute faire tout un travail pour déterminer, au nom de la subsidiarité, quelles sont les marges qui sont laissées aux États, quelle est la marge de manœuvre, quel est le jeu laissé aux États. C'est un peu la même chose avec le même phénomène, avec le principe de complémentarité qui est inscrit dans le statut de la Cour pénale internationale. Vous vous souvenez que pour juger les crimes internationaux, on dit que la compétence de la Cour pénale est complémentaire, ce qui veut dire en réalité qu'elle est subsidiaire. Elle n'est compétente, cette Cour pénale internationale, que si l'État, normalement compétent en raison de son territoire, ne peut pas ou ne veut pas juger les crimes. Là encore, c'est une sorte de concept régulateur, puisqu'il s'agira d'apprécier, au cas par cas, si un État peut et veut juger les crimes internationaux commis sur son territoire. On aura très vite la réponse dans l'affaire du Soudan, puisque le procureur a été saisi par le Conseil de sécurité, on saura s'il décide d'engager les poursuites sur les crimes commis au Darfour, alors que le Soudan revendique sa propre compétence. Donc il invoque ce principe de subsidiarité appelé complémentarité, mais c'est la même chose. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que le rapport qui a été fait au nom de l'ONU par la commission d'enquête présidée par professeur Cassese a communiqué au procureur une liste de suspects qui sont nommément désignés. La liste est secrète, mais le procureur l'a entre ses mains, parmi lesquels on sait qu'il y a de hauts dignitaires du régime. Il sera donc facile pour le procureur, peut-être pas d'aller enquêter sur place parce que le Soudan ne le laisse pas entrer, mais au moins de vérifier si les enquêtes engagées sur place ont ou n'ont pas été engagées contre les suspects de la liste. Autrement dit, il aura un moyen d'apprécier le fonctionnement, de faire fonctionner le concept de complémentarité comme un véritable concept régulateur. Alors, on pourrait multiplier les exemples, je ne vais pas le faire, je vais me contenter d'un bref rappel d'autres concepts régulateurs. Nous en avons rencontré, par exemple, dans le cours l'année dernière, quand j'ai parlé de la convention de l'OCDE sur la lutte contre les actes de corruption d'agents publics étrangers. Nous avons rencontré le concept d'équivalence fonctionnelle, qui d'une certaine manière est conçu de la même manière, selon le même schéma, puisque le groupe de suivi de l'OCDE, pour apprécier si un État respecte ou ne respecte pas la Convention, regarde quelle est l'efficacité fonctionnelle du système national. Il vérifie si le système national est suffisamment efficace pour assurer le respect des principes communs posés par la Convention. En réalité, derrière équivalence fonctionnelle, Il y a l'idée d'efficacité, mais on commence à se demander s'il ne faudrait pas aussi introduire l'idée de légitimité. On se pose par exemple la question si un pays qui a ratifié la convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption prétend être efficace parce qu'il utilise systématiquement la peine de mort dans les affaires de corruption, est-ce que c'est pour autant acceptable au regard des principes posés par l'OCDE ? La question reste ouverte, elle n'a pas encore été concrètement posée, mais elle montre bien que derrière ces concepts régulateurs, il y a à la fois une vérification formelle des compétences nationales par rapport aux compétences internationales, une vérification empirique de l'efficacité et peut-être une vérification axiologique en termes de légitimité. En termes de légitimité, d'ailleurs, on a rencontré l'exemple de la reconnaissance mutuelle en Europe qui, au départ, repose sur une idée de confiance. Les États sont supposés se faire confiance réciproquement puisqu'ils ont adhéré à des valeurs communes et c'est cette confiance qui est supposé fonder la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et, si nécessaire, le rapprochement des législations. Et pourtant, dans la pratique, on entend beaucoup de critiques. Critiques de l'application de la reconnaissance mutuelle par la décision cadre sur le mandat d'arrêt européen, parce qu'on estime que cette décision surévalue les critères de l'efficacité au détriment des valeurs communes et des critères de la légitimité. Critique à propos d'autres principes comme celui que j'avais évoqué l'année dernière au cours, qui est aussi peut-être un concept régulateur, le principe de précaution, qui est une manière d'anticiper dans le temps. Alors, tout cet ensemble nous amène à penser que les concepts régulateurs sont sans doute nécessaires parce qu'ils introduisent de la souplesse dans l'intégration des normes internationales, mais pas suffisants. Ils ne sont pas suffisants parce que trop de souplesse peut créer des risques d'arbitraire. Et c'est là qu'intervient l'idée de technique de réglage. C'est un peu étrange cette manière dont je vous propose de procéder en distinguant l'ajustement et le réglage. On pourrait penser que c'est la même opération d'intégration d'une norme internationale par le récepteur national. Et pourtant, il me semble que on a besoin de techniques spécifiques de mise en œuvre quand il s'agit d'utiliser ces concepts régulateurs que j'ai évoqués parce qu'ils sont extrêmement souples, donc extrêmement difficiles à utiliser de façon objective. Alors, qu'est-ce que j'appelle le réglage ? Eh bien, en fait, les techniques de réglage, je vous en donnerai deux exemples que nous avons rencontré au cours des développements qui précèdent, l'exemple de la marge nationale d'appréciation et l'exemple des indicateurs de variabilité liés à cette marge. Alors, qu'est-ce que c'est la marge nationale d'appréciation ? Bien, nous avons vu que c'était une technique inventée par la Cour européenne des droits de l'homme pour limiter au fond spontanément sa propre compétence, pour éviter d'être trop contestée quand elle intervient dans des domaines dans lesquels les États restent jaloux de leur souveraineté. Donc elle limite sa propre compétence en reconnaissant aux États membres une marge nationale d'appréciation. Ça permet une intégration partielle, un simple rapprochement des normes nationales, ça permet d'éviter l'unification, l'uniformisation au profit de l'harmonisation. Mais de façon implicite, il y a des marges un peu partout, on en trouve ailleurs. Par exemple, dans les traités européens, la différence entre le règlement et la directive, qui est reprise dans le nouveau traité sous le nom de loi européenne et loi cadre, ben c'est bien l'idée que dans un cas, le règlement ou la future loi européenne est obligatoire dans tous ses éléments, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de marge nationale, alors que dans l'autre cas, la directive ou la loi cadre, l'État est lié quant au résultat à atteindre, mais il a le choix de la forme et des moyens, c'est-à-dire précisément il y a une marge. Ce qui est dommage, c'est que l'on n'ait pas peut-être explicité cette technique de façon à éviter la confusion qui risque de se produire en pratique, comme elle s'est produite déjà entre l'utilisation que fait la Commission des directives et des règlements. Alors, ça aurait été intéressant d'essayer d'expliciter ce concept de marge, d'autant qu'on commence à l'utiliser ailleurs. On commence à l'utiliser au moins en doctrine, à propos d'autres ensembles régionaux comme l'Organisation d'harmonisation des droits des affaires en Afrique, l'OADA, on commence à l'utiliser pour commenter certaines décisions à l'OMC ou même à propos de l'espace Kyoto. Ce qu'il faut comprendre quand on utilise cette technique de la marge, c'est que ça implique en fait dans le raisonnement juridique un changement des logiques. Pourquoi un changement de logique ? Eh bien parce que la notion même de marge substitue un mode de raisonnement fondé sur la compatibilité au raisonnement fondé sur la conformité. Dans un raisonnement traditionnel de type binaire, toute différence par rapport à la norme de référence, si faible soit-elle, entraîne la non-conformité, non-légalité, illégalité si vous préférez. Alors qu'avec une notion de marge, on admet certaines différences. On admet certaines différences, mais on introduit en réalité une logique de gradation, c'est-à-dire que l'intégration de la norme internationale est susceptible de degrés. On peut procéder à une intégration seulement partielle de la norme internationale. En même temps, qui dit marge dit limite. Limite à ne pas franchir, toute différence n'est pas admise. Donc il faut fixer un seuil de compatibilité qui lui-même peut varier dans l'espace et dans le temps. C'est donc l'idée que la marge est une première technique qui permet de mettre en œuvre les concepts régulateurs qui ne sont pas le tout ou rien, mais qui réservent des gradations. Cela dit, la variabilité de la marge peut poser des problèmes d'arbitraire. Si le juge fixe librement le seuil de compatibilité en fonction du résultat qu'il veut obtenir, légal ou illégal, eh bien, on ne sera plus dans le domaine du raisonnement juridique objectif, prévisible, contrôlable. Et c'est là qu'intervient l'idée d'indicateur de variabilité. En fait, la Cour européenne a essayé de façon un peu empirique d'expliciter cette notion d'indicateur. Quand elle fait varier la marge, elle essaye de dire en fonction de quoi elle la fait varier. Et elle a esquissé deux types d'indicateurs. D'un côté, ce qu'elle appelle la notion de dénominateur commun, c'est-à-dire au fond le degré d'homogénéité des pratiques juridiques d'un pays à l'autre. Elle dit que la marge est plus importante s'il n'y a pas de dénominateur commun, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'homogénéité entre les pratiques nationales. Mais elle ne se contente pas d'un seul indicateur, elle en évoque un second, à référence au but de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'on pourrait appeler l'indicateur du degré de consensus social sur les valeurs. Autrement dit, dans des termes plus simples, la marge est plus étroite quand il s'agit de protéger des valeurs sur lesquelles il y a un consensus, par exemple l'autorité du pouvoir judiciaire. En revanche, la marge est plus large, voire beaucoup plus large, quand il s'agit de protéger des valeurs plus conflictuelles, par exemple la morale ou la religion. Et vous vous souvenez peut-être que dans les affaires sur le foulard dit islamique, nous avions constaté que la marge nationale était assez large. Alors, ces techniques de réglage, si elles étaient systématisées, pourraient sans doute être étendues aux divers concepts régulateurs. On pourrait les appliquer au concept de subsidiarité, au concept de complémentarité, etc. Cela dit, la fonction même du réglage ne peut pas être exercée totalement par l'émetteur de la norme. C'est quelque chose que j'avais souligné avec un collègue à l'occasion de recherches sur la logique floue. C'est l'article que j'ai cité de Jean-François Coste et moi-même. Nous avions souligné que quand on passe de la logique traditionnelle, la logique binaire, à des logiques de gradation, comme le floue, il y a en même temps un transfert de pouvoir de l'émetteur de la norme vers le récepteur, car le floue est mis en œuvre en partie par le récepteur qui fixe le seuil de décision, qui fixe le seuil d'acceptabilité de la marge. Autrement dit, on a besoin aussi, c'est la troisième fonction, de mécanismes d'évaluation et de contrôle. Au fond, la marge nationale pourrait régler, si elle était bien encadrée par des indicateurs de variabilité, elle pourrait permettre de régler l'intensité normative, si vous voulez, un peu comme un rhéostat qui règle l'intensité lumineuse en fonction de la lumière ambiante, c'est-à-dire en l'adaptant de façon aussi continue que possible aux données observables, aux données du réel. Mais la complexité d'un tel dispositif crée un risque de dénaturation. soit une intégration excessive, le législateur international va trop loin, il va au-delà de sa compétence, il ne respecte pas, par exemple, le principe de subsidiarité, ou bien, à l'inverse, une intégration insuffisante, cette fois c'est l'autorité nationale, législateur ou juge, qui, sous prétexte de transposer la norme en droit interne, la renationalise. Je vous en avais donné des exemples à propos du droit international pénal. Alors à cela, il y a une première réponse sous la forme d'évaluation mutuelle, de procédure d'évaluation mutuelle. On en a vu des exemples l'année dernière, en fait, en matière de lutte contre la corruption ou contre le blanchiment d'argent. Il n'y a pas de juridiction supranationale qui contrôle l'application des conventions, mais il y a une évaluation mutuelle par les pairs. Cela dit, l'évaluation mutuelle, elle est nécessaire, elle n'est certainement pas suffisante, et on commence à voir se développer d'autres mécanismes plus contraignants, l'arbitrage avec le CIRDI pour les investissements, on en a parlé récemment, le règlement des différends à l'OMC, et les contrôles juridictionnels des cours régionales en matière de droits de l'homme, ou encore de la Cour pénale internationale ou de la Cour de justice des communautés pour l'Europe. On voit par conséquent la nécessité progressive de dispositifs plus contraignants qui permettraient de mettre en musique, en quelque sorte, ces concepts régulateurs et ces techniques de réglage. Il resterait à intégrer des indicateurs extra-juridiques dans ces mécanismes d'évaluation et de contrôle, des indicateurs du type économique ou social, comme la Cour européenne des droits de l'homme a commencé à le faire dans certaines matières. Mais alors, on arrive à une telle hétérogénéité, si on parle d'indicateurs extra-juridiques, référence à des indicateurs économiques ou sociaux, on arrive à une telle hétérogénéité qu'on peut craindre que le pluralisme qui se met ainsi en place ne soit plus du tout un pluralisme juridique, mais ce soit une sorte de pluralisme social, c'est-à-dire sans objectivité, avec des risques d'arbitraire. Et au fond, j'en arrive à cette idée que les dispositifs juridiques d'équilibrage, dont j'ai fait une sorte de survol, permettent sans doute d'accompagner l'intégration normative, mais ils ne permettent pas de maîtriser, ou de façon très imparfaite, les corrélations entre l'intégration, le mouvement d'intégration, et les autres mouvements, qu'il s'agisse de l'expansion ou de la synchronisation. On n'a pas d'instrument purement juridique qui permette de corréler l'ensemble des mouvements qui ont été présentés. On n'a donc pas d'instrument juridique qui permette de lutter contre le risque de désordre. D'où la question de savoir si ce n'est pas par de nouveaux modèles d'ordre juridique que l'on pourrait répondre à la question d'une cohérence d'ensemble. C'est le dernier point que j'ai annoncé, les modèles de transformation. Si on peut imaginer ce que j'ai appelé le pays des nuages ordonnés, à quoi ressemblera-t-il ce pays des nuages ordonnés? À quel modèle ressemblera un jour, s'il est mis en place, l'ordre juridique mondial? C'est un peu ça la question sous-jacente. Alors, quand j'ai pour la première fois utilisé cette métaphore un peu étrange pour un juriste au pays des nuages ordonnés, en fait, c'était pour imaginer un droit commun pluraliste. C'était à la fin de mon livre pour un droit commun. Et je revenais d'un voyage en Chine. Alors, comme toute touriste disciplinée, j'avais été à la Cité interdite et au Palais d'été contempler des nuages qui sont gravés dans la pierre. Sur les marches qui montent au palais de l'empereur, on a des nuages ordonnés. Mais ce sont des nuages qui obéissent à la volonté impériale, c'est-à-dire qui symbolisent un ordre apparemment immuable. Alors ça m'avait un peu inquiétée, et j'avais précisé dans la postface du livre que je n'avais pas à l'esprit ces nuages-là. C'est-à-dire que quand je parlais des nuages ordonnés à propos du pluralisme juridique, j'avais au contraire une vision instable et évolutive, qui s'inspire davantage, si vous voulez, des paradigmes de Popper quand il oppose les nuages à l'horloge, ou des travaux d'Henri Atlan sur la complexité quand il situe les systèmes complexes, il a une très belle image, il les situe entre le cristal et la fumée. C'est plutôt les nuages, c'est plutôt cette fumée-là. En même temps, ces nuages immobiles de la cité interdite obligent à reconnaître la pluralité des modèles disponibles pour imaginer le futur ordre juridique mondial. Ils obligent aussi à réintroduire le facteur politique, c'est-à-dire à réintroduire un certain dépassement du juridique pur, une articulation nécessaire du juridique et du politique. Mais d'abord, ils montrent qu'il y a une pluralité des modèles. Alors, je me suis demandé comment analyser cette pluralité des modèles, au fond, disponibles pour penser le futur ordre juridique mondial. Dans l'ordre interne, à l'heure actuelle, on utilise en fait deux paradigmes qui ont été popularisés, très bien explicités par François Host et Michel Van de Kerkhove, qui sont la pyramide et le réseau. Alors la pyramide, c'est l'ordre qui est conçu autour d'une relation verticale de hiérarchie, de subordination, alors que le réseau, lui, est conditionné par un jeu d'interactions qui peuvent ou non comporter des hiérarchies. Subordination dans le premier cas, coordination dans l'autre. Et Host et Van de Kerkhove ont développé une théorie qu'ils appellent dialectique, qui les amène à conclure que le droit contemporain oscille entre l'universalité potentielle des réseaux et l'ancrage bien localisé des pyramides. Et selon eux, cette oscillation traduirait l'éthique, je les cite, modeste et liminaire, des sociétés complexes à l'heure des réseaux. Autrement dit, les deux paradigmes illustreraient le passage du simple au complexe, d'une structure fermée et stable, à une structure ouverte, instable et on peut dire polymorphe. Si je transpose cela à l'étude des phénomènes de l'internationalisation du droit, c'est-à-dire à l'expansion de l'espace national à l'espace international, alors j'ai l'impression que les représentations de l'ordre juridique se diversifient encore. Car l'expansion, selon le modèle de la pyramide, nous conduit au fond vers un ordre de type hégémonique, qui reste conçu comme une structure simple, ordonnée autour du principe de hiérarchie, et même une structure doublement simple, parce que l'ordre juridique est prédéterminé par le principe de hiérarchie, et parce que la cohérence de cet ordre au sens de système pris dans son ensemble, au croisement de l'ordre de l'espace et du temps, est garantie par une sorte de corrélation naturelle entre un modèle hégémonique, dans un modèle hégémonique entre l'intégration normative, les niveaux et les vitesses. En revanche, si on imagine l'expansion selon le modèle du réseau, il me semble qu'on arrive à deux types d'ordre juridique. Selon que l'expansion favorise les interactions horizontales, internationales ou transnationales, ou bien combine les interactions horizontales et verticales, combine les entrecroisements avec l'harmonisation ou l'unification. Alors autrement dit, le réseau se subdivise. Dans le premier cas, on aurait un ordre mondial ordonné par le jeu d'interactions horizontales, complexe dans la mesure où il s'agit d'interactions. Mais en même temps, c'est un ordre dont on suppose que les mouvements soient spontanément corrélés. C'est un ordre autorégulé, c'est d'ailleurs ce que prétend être l'ultralibéralisme, même s'il risque ainsi de favoriser des retours d'hégémonie plus souterraine. En revanche, l'autre alternative, et c'est là que je l'appellerais l'ordre véritablement pluraliste, c'est celle qui combine des interactions horizontales et verticales et qui essaye de corréler cette intégration à géométrie variable avec d'autres mouvements à plusieurs niveaux, à plusieurs vitesses. Autrement dit, et vous l'avez senti tout au long de ce cours, c'est un ordre non plus complexe mais hyper complexe. La complexité est double. Alors en même temps, on découvre les limites du raisonnement juridique. Le raisonnement juridique peut absorber une certaine complexité. Il le fait d'ailleurs parfois avec succès. Au fond, les 50 premières années de la construction européenne, c'est une construction de plus en plus complexe que l'ordre juridique a réussi à absorber. Mais comme on peut le voir dans le débat actuel, ça ne garantit pas pour autant la légitimité politique. Il y a peut-être une tentation, je dirais, pour les juristes de se délecter de cette complexité. Il y a quelque chose de délicieux dans les jeux de la complexité entre initiés. avec le risque de s'y enfermer. Et que derrière, les citoyens rejettent un système qu'ils découvrent tardivement, auquel ils ne comprennent pas grand-chose. C'est peut-être ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est peut-être ce qui arrive aujourd'hui à l'Europe juridique, qui est comme rattrapé, je dirais même parfois piétiné, par le politique, le retour au politique. Et c'est peut-être ce qui amènerait à introduire l'idée d'un dépassement des modèles au profit d'une articulation plus souple, j'y reviens, entre le juridique et le politique. Je crois que c'est la condition pour que le futur ordre européen, évidemment a fortiori le futur ordre mondial, ait des chances d'être sinon parfaitement stable, du moins durable, ce qui est peut-être la qualité essentielle. Alors qu'est-ce que j'appelle dépassement des modèles? Pourquoi dépassement des modèles? Je pense que les principaux choix restent du domaine politique. Et au fond, la modélisation de l'ordre juridique, elle est très utile pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre ce qui se fait, mais elle ne donne pas la clé pour sortir de la dialectique d'un modèle à l'autre. Elle ne dit pas comment faire pour choisir. Et là encore, on peut revenir une dernière fois pour cette année à Bachelard et voir la différence entre le droit et la science. Bachelard disait que la raison doit obéir à la science. La raison doit obéir à la science, c'est vrai. Si la science tend à décrire ce qui est, la raison est à son service. En revanche, le droit est normatif. Il dit ce qui doit être. Donc le droit fait appel à la volonté, voire au volontarisme. C'est pourquoi il me semble que dans les grands textes fondateurs, la raison juridique semble parfois désobéir à la réalité observée. J'ai toujours pensé que les grands textes sur les droits de l'homme étaient une sorte de protestation contre la nature. Quand on déclare « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit », c'est une protestation contre une réalité qui montre le contraire. Donc il y a une désobéissance là-dedans. Et il y a une discontinuité, autrement dit, entre le descriptif et le normatif. Et on ne peut pas franchir autrement que par un saut dans l'inconnu, cette discontinuité. Il y a un côté pari sur l'avenir. Il y a une tentative pour abolir le hasard. J'aime beaucoup le grand poème de Mallarmé, Le coup de dé. Vous savez comment il chemine. Il conclut à la fin, toute pensée émet un coup de dé, mais avant, il énonce un coup de dé jamais n'abolira le hasard. Et puis, il ajoute une petite incise, excepté à l'altitude peut-être, un compte total en formation. C'était Éloge du savoir, aujourd'hui le Collège de France avec Mireille Delmas-Marty. Présentation Christine Goémé, réalisation Jeanne Cherquefosse. Thank you.